Thank you. What is that, a hang drum? Space drum? Thank you. Do you want to develop an app? Thank you. standing here right behind my computer, man. Yeah, minimal 12 hours a day. It's a fucking junkie move, I know for sure, but that's the groove. For sure, but I find the same and then I run them one. Yeah, man, in the scene, he's the motherfucking in the place to be. Right here on the jump, I'm a hammer on man with the Michelle Shanti. Thank you. carrément les boules. Ça y est, on est casqué. Quelques réglages encore, mets-moi plus fort. Mets-moi pas plus fort, carrément les boules. Quelques réglages, carrément les boules. Carrément les boules. Carrément les boules. Mewtwo, Mewty. Get mummy. No Jones up in the sky. Ne plus avoir peur. Carrément les boules. No fear. No God, no master. Carrément les boules. Carrément les boules. Carrément les boules. Carrément les boules. Carrément les boules. Oh. Yeah, yeah. Vidéo protégée, vidéo. Surveillez les boules, carrément les boules, carrément les boules, carrément les boules, carrément les boules, carrément les boules, carrément les boules, carrément les boules. Carré, carrément les boules, carré, carrément les la relativité. Carrément les. L'espace-temps. Carrément les. Carrément les bouts. Relativité. Carrément les. Carrément les bouts. Relativité. Carrément les. Carrément les budgets, carrément les. Carrément les budgets, carrément les. Carrément les. Carrément les boules. Carrément les. Carrément les boules. Carrément les. Carrément les boules. Carrément les. Carrément les boules. Took it down by the knees, my driver lays in the hand. The proper imposter, you've been the proper lost. I am an invitation, you know, I never known it. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, Caramole, do you think you're cool? You break my ball. Caramole, caramole, caramole, caramole, caramole, caramole, caramole, caramole, caramole, caramole, caramole, caramole, caramole, mathématique, carrément, way of life, j'ai carré, for the results in reality. I wonder if this someone has got to give up. Who cares? We're open it up. Anyway, I hope we can manage it in the railway. You got to be general. Vision of the destination number five. Music is the open up. Watch bits to the beats. Conversation is my fucking enemy. Yeah. Try out. how it works. Domestique, soviétique, animal. Au service, système. No planes are the sky. Pray for two levels and up when you're down. I'm popping top of it now, part time meeting. 5 a.m. fun of the day, don't you? I'll find it down here, down. Up the fight. Get up, stand up. We don't give up. Don't give up. Don't give up. Bientôt, bientôt. Bientôt, bientôt, on pourra s'embrasser, camarades. Bientôt, bientôt. Bientôt, bientôt, on pourra se parler, camarades. Bientôt, bientôt, on pourra danser. Camarade, camarade, toi qui viens d'un pays où les hommes sont. Toi qui viens d'un pays où les hommes sont beaux. Toi qui viens d'un pays où les hommes sont rois. Yeah. Don't get your priority, but I'm a number, number, number, the mama. Top five, but never anybody. Jump, three, four, jump, and I'm a number. Jump, and I'm a number. And I'm a number. And I'm a number. And I'm a number. And I'm a number. Que je suis à ma place. Parce que chaque chose, chaque personne, then it's right play. And it's right play. And it's right. Every fear, in its right. Zombie, zombie, he, oh, oh, oh, oh. oh, hi, hi, hi, hi, ho, oh, oh. Alors j'ai fait quitter, là j'ai t'inquiète. Point de non-retour. We want Michel Bass. We want Michel Bass. Yeah, we love Michel Bass. Since a long time, since the COVID, you can say, since 2020, we know Michel Bass. Michael Bass, Michel Bass. Reaper, Ninja Psyché, it's a she. It's a try. Love, love, love, unconditional love. Yeah, yeah, yeah. Low, low, low, unconditional love. We try, we think you help. Protect me. Comme un bouclier, la poésie. Comme un pare-feu, les sons. Comme une armure, dans le métaux, encore trop peu travaillé. On y travaille, on y travaille encore. On remet l'effort. On y travaille, on y travaille, on y travaille, on y travaille, on y travaille encore. Depuis le début, on essaye, on rate. On essaye encore. Depuis le début, l'humanité. C'est quoi l'humanité? On y travaille. On y travaille encore. Encore. Corps. D'être vent et marée contre un corps. L'envie d'être encore en face. On y travaille, on y travaille, on y travaille, on y travaille, on y travaille, on y travaille, on y travaille, on y travaille. Par les courants et les marées. On sait, on sait, on est couvert, pourtant on est un on y travaille. On y travaille, on y travaille, on y travaille. Oh. On y travaille, on y travaille. On y travaille, on n'a pas pensé, on a baillé. On est vaillant, on travaille, on est bougé. On est levé tôt le matin, tu sais. On est vaillant, oui, tu sais. On fait gagner le PIB. On est là, on fait si avancer le pays, on n'a pas couché. On n'est pas oublié de tout seul. Et le pays, c'est qui fait proche. Elle est réveillée, elle doit fait des montants. Yeah, we try, yeah, we fail. Yes, we try, yes. yes, we fade. So we try again, try again. Les soldats, c'est on est pas couché. Levé tout le matin, pas couché. On est vaillant, et c'est les vacances, on les a pas pris. On est vaillant, on y travaille, c'est levé tout le matin, on est pas couché, t'as combé. On va pouvoir se faire mal. On est tout craqué. Mais c'est nous, c'est qu'on ne faut pas toucher. Faut pas toucher. J'avais faut pas nous énerver non plus. On va craquer, tu sais. À craquer, on va mettre. J'avais encore, j'avais encore, j'avais encore. Ah, ah, ah. Hey. Par-delà les fermes, tu sais, tu veux t'y. Ceux qui travaillent le plus sont tes DAH.